Chapitre 7e. Depuis qu'il occupait ce qu'il appelait, faute d'autre nom, l'affaire Argoulian, Jérôme Korff avait appris à ne plus s'étonner de rien. On lui eût assuré que c'était son chef, M. Serpier, qui avait fait évader Sonia Argoulian ou apporter dans la villa d'Enghien le squelette d'Autodrôle, qu'il n'eût pas repoussé délibérément ses suppositions. Il aurait avant tout fait une enquête. Aussi n'avait-il manifesté qu'une stupéfaction très relative en entendant M. Serpier lui annoncer coup sur coup que Sonia Argoulian avait disparu et le mystérieux Triplix venait de se flatter par téléphone d'être l'auteur de l'enlèvement de la jeune fille. Il n'avait formulé qu'une simple observation. Quoi qu'en dise l'anglais, c'était Joey Blackett